Analyse du 1er janvier 2023 par Thierry Pirlot, Sharp Owen. L'affaire Prigogine. Coup d'État ou coup de bluff? Les médias français aident sans le savoir la Russie. Il n'y a qu'à écouter Anne Niva, grande spécialiste de la Russie, des dindes d'un jardin et de mes bijoux de famille. Elle affirme « Les Russes ont honte de perdre la guerre, sans blague ». Je prédis prochainement un paquet de burn-out et de défenestrés chez LCI. Lorsque l'on écoute les journalistes français de LCI, on se rend compte qu'ils gobent complètement la propagande de la Russie et sa géniale désinformation. Du coup, je me dis que ces journalistes sont soit sous extasie, soit sous compromat, soit sincères et naïfs, ou soit complètement débiles. J'opterai pour la dernière. Les généraux de plateau, par contre, sont eux entièrement aux ordres de Bruxelles et du siège de l'OTAN. Les gamelins, eux, ne sont pas incompétents, mais au contraire complices du système qui les nourrit. Avec les quelques hyènes ukrainiennes et commissaires politiques de plateau, ces généraux sont peut-être les seuls à faire réellement leur travail de propagande désespéré. J'ai donc beaucoup de pitié pour la profession de journaliste qui, à la fin de l'histoire, aura beaucoup de mal à s'en remettre, au même titre que les médecins pasteuriens. Et si c'était tout simplement le plan ? LCI pense que la Russie est faible et manque de munitions parce que Prigogine le dit. Et donc, s'il le dit, c'est que c'est vrai, lol. LCI pense que les Russes ont peur et honte de cette guerre car ils voient de petits jouets ukrainiens survoler Moscou. Ok. LCI pense que Prigogine fait sécession par rapport à la chaîne hiérarchique militaire. Que Prigogine pourrait se lancer en politique et prendre la place de Poutine. Car Poutine ne peut plus gagner cette soi-disant guerre. Ces journalistes et gamelins de plateau sont une insulte à l'intelligence russe des Poutine, Shoigu et même Prigogine. Il faut savoir que 1. C'est toujours une opération spéciale. Si elle devenait une guerre, ce serait parce que l'OTAN aurait été s'immiscer dans cette intervention de nettoyage. S'immiscer ou pas d'ailleurs, car a-t-elle vraiment le choix en définitive? En 2, Poutine gère son opération de main de maître. Il est dans les temps avant de reprendre son offensive sur Odessa, et ce, en l'absence de contre-offensive ukro-nazie annoncée depuis des mois. En 3, Prigogine, patron de la société Wagner, s'entend très bien avec Poutine et tient son rôle de désinformateur à la perfection. C'est un rôle de grande gueule critique, donnant l'impression de division au sein des forces russes que lui seul peut jouer car il n'est pas militaire. Un général russe 4 étoiles ne pourrait pas tenir ce rôle. En 4, Prigogine a eu pour mission en décembre de conquérir Bakhmout en l'espace de 6 mois. 6 mois plus tard, l'opération Bakhmout est un succès dans laquelle les ukro-nazis ont perdu des milliers d'hommes inexpérimentés, amenés à l'abattoir, pour protéger les souterrains et les biolabs des ricains dans et sous la ville. En 5, Kiev se désolidarise des attaques de drones sur Moscou, car ce sont des attaques ciblées et sans victimes, organisées par l'armée russe elle-même, afin de galvaniser la société civile et qu'elle soit soudée autour de son chef, Poutine. Que ce soit le drone isolé sur le Kremlin ou les faux sabotages contrôlés des Nord Stream et du pont de Crimée, Poutine a compris l'intérêt de la frappe préventive sur sa nation pour rallier la population à sa cause. Ces petits drones amateurs n'ont pas vraiment effectué 700 km, non, mais sont téléguidés par des spécialistes pour les faire survoler Moscou et s'écraser dans des parcs ou des zones peu fréquentées. En 6, la communication et les tactiques de Poutine sont en adéquation avec les préceptes de la guerre de Sun Tzu. Laisser la société Wagner faire le sale boulot comme l'a fait Blackwater pour les Américains en Irak est un clin d'œil de Poutine. En exposant Wagner et ses soldats très bien payés en première ligne, il peut rassurer la population russe sur le peu de pertes dans les rangs de l'armée régulière qui est simplement stationnée aux frontières, soit 350 000 hommes. Le fait de vider les prisons pour donner une seconde chance à des hommes en se battant pour leur pays fut un coup de génie de Poutine, aidé de Prigogine, même si beaucoup y ont laissé la vie. En 7, il n'y a aucune faiblesse dans l'appareil de guerre russe, même si la désinformation occidentale fonctionne à plein et donne à penser le contraire. Deuxième trait de génie de Poutine, qui utilise Prigojine à dessein et LCI par ricochet. Paraître faible quand tu es fort, et fort quand tu es faible. Derrière ce faux putsch, il y a aussi la volonté de Poutine de faire sortir les généraux renégats du bois, lesquels se rallieront à Prigojine, et dans le même temps de reprojeter Wagner sur un autre territoire et sous le nez de l'OTAN. Trump faisait la même chose durant son mandat, en posant des mines afin de débusquer des traîtres Rhino, Republican in name only, qui étaient des traîtres parmi les républicains. En 8, on ne voit toujours pas de volonté réelle de l'OTAN d'envoyer suffisamment de matériel et d'armement pour régler définitivement le problème par une super offensive ukrainienne. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été le cas, ni avec les chars obsolètes, ni avec les F-16, et quand bien même, aucun pilote européen ne serait assez fou pour voler à la rencontre des derniers Sukhois russes, même contre beaucoup d'argent. Quand on est mort, on n'en a plus besoin. En 9, personne ne pose jamais la question sur le fait que des milliers d'obus britanniques à uranium appauvri aient tous été rassemblés en Ukraine, pile poil au même endroit. Si bien que quelques jours plus tard, il a suffi d'un seul missile hypersonique pour tout réduire en poussière. En 10, ma conclusion. Je maintiens mon analyse première que tout ce bordel est un grand cirque et un grand jeu de dupes. Prigojine est et restera un élément important qui travaille activement à la désinformation concernant le plan de Poutine vers l'Occident. Il est le fou du roi sur le jeu d'échecs. Le maître est et restera Poutine. Quels en sont les acteurs? La Russie de Poutine et les USA de Trump, avec Biden comme faire valoir. L'OTAN en soins intensifs, l'UE aux ordres et sous oxygène, les ukrainazis, les cons du dîner de cons. L'Occident a perdu cette guerre en février 2022, dès le tout début des hostilités russes en Ukraine, et Poutine, grand seigneur, leur a laissé une porte de sortie pour éviter un conflit généralisé dont l'OTAN et l'Europe auraient été les perdants à tous les coups. Cela afin que dans un premier temps, ils puissent sortir la tête haute pour ménager les peuples occidentaux qui croient encore à cette heure en la supériorité des Américains et de l'OTAN. Le gagnant dicte ses règles au perdant, même si nous ne sommes plus dans une guerre mondiale conventionnelle de type 1940. Ils sont déjà tous passés à la table des négociations et ont accepté tous les desiderata imposés par Poutine, avec l'accord des Américains, côté alliance militaire de Trump, c'est-à-dire un désarmement systématique des pays européens par l'envoi vers l'Ukraine de leur matériel et armement certes obsolète, mais toujours opérationnel, dans le but d'opérer une destruction systématique et contrôlée des pays perdants. Je sais que cela paraît incroyable, mais il n'y a aucune logique dans cette mise à nu de certains grands pays européens, tels la France, l'Allemagne et l'Angleterre en tête, alors qu'on se trouve face à un risque élevé de soi-disant guerre mondiale contre la Russie. La doctrine nucléaire soviétique a toujours été défensive. Mais Poutine numéro 2 ne la joue pas à la Staline, mais plutôt comme le tsar de toutes les Russies. Il a sûrement déjà menacé les acteurs de l'OTAN d'une destruction complète de la Grande-Bretagne par utilisation d'une arme sous-marine, dont ils ont tous parlé sur LCI en 2022 comme par hasard. Cette arme possède la puissance d'une bombe Tsar II. Elle provoquerait une vague de 300 mètres qui réduirait les îles britanniques à un collier de petites îles grandes comme Bruxelles. Il est très difficile d'imputer ce genre de destruction à une nation par manque de preuves, tout comme le tremblement de terre en Turquie contre Erdogan, qui aurait été déclenché par des armes à énergie dirigées du Deep State américain parce qu'il envisageait une sortie de l'OTAN, le Erdogan numéro 2. Si Poutine devait frapper, ce serait pour anéantir le démon responsable de tous les maux de cette planète, à savoir l'Empire britannique. Cet état de fait ne dérangerait même pas les ricains et encore moins Trump, qui doit bien se marrer au moins deux fois par semaine au téléphone avec son copain russe. Il semble que tous les acteurs de l'OTAN et de l'UE du 4e Reich aient paniqué face à l'hégémonie russe et leur technologie hypersonique MAH aérienne et surtout sous-marine. Ils n'ont eu d'autre choix que de déclarer Poutine vainqueur par chaos technique et d'accepter une fausse guerre à papa qui, à terme, détruira par harakiri tout l'appareil militaire et économique européen. Ce processus terminé sonnera le glas du monde unipolaire américain et européen. Nous assisterons également à la dislocation de l'OTAN que la Russie finira par obtenir grâce à Poutine, après toutes les fausses promesses de démantèlement faites à l'URSS en 1989, puisque cette organisation mortifère n'avait déjà plus aucune raison d'être. Promesses non respectées et Poutine est en train de remettre l'Église orthodoxe au milieu du village européen. Je vois déjà la question arriver. Et Trump, lui, laisse faire ce processus alors qu'il est américain? Bien sûr, car le grand perdant de tout cela est le Deep State, complexe militaro-industriel, le nom ou nouvel ordre mondial mort-né, l'Europe du Quatrième Reich et tout ce que le pédosataniste démocrate Erinose ont manigancé depuis plus de 100 ans. Trump, Poutine, Xi Jinping et Modi œuvre de concert au sein d'une alliance appelée BRICS qui va donner le top départ du nouveau monde multipolaire. Leur ennemi commun a déjà un genou à terre et l'épée est en passe de s'abattre sur leur tête, clôturant la partie. Rien ne peut arrêter ce qui s'en vient. Sharpawan.